Bonjour à vous tous qui suivez la radio Isanganiro et bienvenue dans cette édition de ce 8 octobre dont voici le sommaire. Après l'annonce du premier vice-président de la République que le Burundi va se retirer de la Cour pénale internationale, l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye, indique que les conséquences ne manqueront pas. Vous l'entendrez dans ce journal. Vous suivrez également Jacques Bigirimana, président du parti FNL. La correspondante de la radio Voix d'Amérique au sud du Burundi a été arrêtée ce vendredi puis relâchée par la police à Rutana. Cependant, Fidélité Chat s'inquiète pour sa personne ressource qui reste au cachot. Les travaux de réhabilitation du pont de la rivière Mimba dans la zone Moussaga pourront commencer avant la fin de cette année. L'annonce est du directeur général de l'urbanisme. C'est après que ce pont est impraticable depuis 8 mois. Vous l'entendrez dans ce journal présenté par Mireille Kanyange. La mise en onde est assurée par François Akimana. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité pour débuter ce journal. La correspondante de la radio Voix d'Amérique au sud du Burundi en la personne de Fidélité Ishatse a été arrêtée ce vendredi par la police à Rutana puis a été relâchée. Cependant, elle s'inquiète pour Norbert Manirambona, sa personne ressource qui est restée au cachot suivi. Moi, j'étais dans la province de Rutana. J'étais pour un reportage et curieusement, sur le chemin retour, j'ai été arrêtée par la police. Et ils m'ont dit que je ne me suis pas annoncée. C'est ça le motif de mon arrestation. Et moi, je leur ai dit, comment ? Ce n'est pas la première fois que je me présente à Rutana pour faire mon travail. Et j'ai jamais fait objet d'une arrestation quelconque. Même ces administratifs, quand je leur faisais appel pour des informations quelconques, dans le but d'équilibrer mes reportages, ils me répondaient favorablement. Alors si quelqu'un n'est pas en bon terme avec la loi, comment est-ce que celui qui devrait faire respecter la loi en question pouvait collaborer facilement avec lui ? Mais une personne ressource qui était avec moi, lui, quand on a été arrêté, on a eu presque un même traitement. Mais à un certain moment, moi j'ai été relâchée, mais lui il est resté au sein du poste de la police à Bukemba. Et franchement je m'inquiète. Si on a été arrêté à même temps, alors pourquoi est-ce que moi j'ai été relâchée par lui? Et curieusement, ce matin je me suis entretenue avec son épouse. L'épouse en question m'a dit que son mari, jusqu'à présent, ne connaît pas le mobile de son arrestation. On a fait qu'elle a enregistré. Alors pourquoi est-il jusqu'à présent dans les cachots? Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique à 12h59 dans les studios de la radio Isanganiro. Je vous l'annonce après que le premier vice-président de la République ait dit que le Burundi va se retirer de la Cour pénale internationale. C'est au tour de certains hommes politiques de réagir. Eh bien, le Burundi se doit d'une justice responsable. Il y a aussi des textes légaux qui régissent les Burundais. De ce fait, personne ne devrait pas avoir peur du fait que le Burundi quitte cette cour. C'est du moins les propos de Jacques Bigirimana, président du parti FNL. Suivez. Le Burundi se doit d'une justice responsable. Nous avons une constitution. Nous avons les accords d'Arusha. Ce sont des textes légaux qui nous régissent, qui sont observés par des décideurs. Et puis, s'il y a même des instances habilitées pour sanctionner au cas échéant un chef d'État qui ne respecte pas la Constitution. Alors ici, c'est pour vous dire que personne ne devrait avoir peur du fait que nous quittons la CPI, parce que la justice burundaise est là et peut faire son travail. Aussi, si la justice burundaise ne fait pas son travail, comprenez-moi, nous avons le tribunal de l'EAC. Il est là et dernièrement, il a rendu un arrêt et portant réponse sur les accusations de certaines associations, de certaines civils qui avaient porté plainte contre le gouvernement du Burundi. Il y a aussi la Cour africaine. Tout cela sont des cours que nous respectons et qui peuvent relayer la CPI. La volonté de quitter la CPI, d'après vous, ne voyez pas que l'État voulait ou voudrait cacher quelque chose comme crime qui a été commis ici au Burundi? S'il y a à cacher, je ne pense pas que cela ne devrait pas passer inaperçu, parce qu'il ne voudrait pas que le monde le sache. D'après ce que je sache personnellement, le gouvernement du Burundi est un gouvernement qui est en train d'être marginalisé très injustement. Jacques Bigirimana, c'est le président du parti FNL. Il a été joint au téléphone par Médard Niyonkuru. Le rapport qui a été fait par les enquêteurs indépendants sur les violations des droits de l'homme au Burundi serait la cause qui a poussé le gouvernement burundais à vouloir sortir de la Cour pénale internationale. Tels sont les propos de Domitien Ndayizé, ancien chef d'État du Burundi. Il indique que les conséquences ne manqueront pas, suivez Domitien Ndayizé, ancien président du Burundi. Le Burundi est à couteau tiré avec la communauté internationale pour ce qui est des violations des droits de l'homme ici au Burundi. Très récemment, des décisions ont été prises au niveau de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. Un rapport des experts, un rapport accablant qui montre des violations des droits de l'homme ici au Burundi, tendant même à des violations massives et même redoutant un génocide ici au Burundi. Bon, je ne sais pas si c'est un génocide ethnique ou politique, mais le Burundi, dans sa réplique, n'accepte pas ce rapport, le remet en cause. Le Burundi s'en révolte et a décidé de sortir de cet pays en guise de protestation, je suppose. Les conséquences vont même judiciaires. La sortie du Burundi de la Cour pénale internationale démontrera à qui veut le savoir que le Burundi, non seulement a certains dédains de cet pays, mais ne voudrait pas que la Cour pénale internationale enquête. Ce qui donne beaucoup d'appréhension, non seulement à cette Cour, mais aussi au monde entier, que en réalité, ce dont lui accuse les experts qui sont venus en été ici au Burundi sont une réalité. La communauté internationale, tenant compte de ce rapport, certains ont déjà pris des décisions à l'encontre du Burundi, des décisions d'ordre économique, et d'autres pourraient en prendre, tendant à annihiler le Burundi. L'ancien président Domitien Ndayizé demande au gouvernement burundais de ne pas se retirer de cette cour. Je vous prie de le suivre encore une fois. Nous avons intérêt à éviter cette voie que moi je considère de durcissement, de ton et de refus de conseils des gens qui aiment le Burundi et surtout accepter quand même que le pays se remette sur la voie du respect des droits humains et de l'amour de son peuple. Le conseil, il est tout à fait simple. Il faut que d'abord les hautes autorités de l'État, les cadres, aiment d'abord leur pays. Donc, il manque ici au Burundi un amour profond entre nous. Je dirais encore une fois, nous avons besoin des dirigeants qui nous aiment, des dirigeants qui aiment les Hutus, qui aiment les Tutsis, qui aiment les Trois Voix, les Baganois, et qui travaillent pour que le Burundi se développe. Et le Burundi ne pourra se développer qu'à travers une ouverture et une tolérance mutuelle, l'application d'une démocratie en bonne et due forme, telle que les autres pays le font dans la région et dans le monde. L'ancien président Domitien Ndayizé est au micro d'Alida Ndaïkeza. Je vous le disais en titre, les travaux de réhabilitation du pont de la rivière Mimba dans la zone Moussaga pourront commencer avant la fin de cette année. L'annonce est du directeur général de l'urbanisme, l'ambassadeur Amis Nhaengibingura. Ce qui reste, c'est seulement l'autorisation du ministère des Finances. Suivez l'ambassadeur Amis Nhaengibingura. Nous avons pensé réaliser les travaux de ce pont, mais les moyens n'ont pas suivi parce que cet accident qui a eu lieu sur ce pont, ça fait partie de plusieurs autres accidents qui ont eu lieu lors des dernières averses pluviales. Et nous avons donné des priorités ailleurs, mais il est arrivé quand même qu'il y a un reliquat qui ne pourrait pas être utilisé jusqu'à la fin de cette année. Et nous avons demandé au ministère habilité, le ministère des Finances, de nous autoriser à mettre ce fond sur ce pont. Ce qu'on va demander aussi, c'est au niveau de la Direction nationale de contrôle des marchés publics, qu'elle puisse nous autoriser à procéder par les moyens les plus rapides, à comprendre la consultation restreinte, et surtout que c'est un pont qui se trouve dans un milieu dit militaire. Je crois que nous pourrons avoir cette autorisation de passer un marché de consultation restreinte ou de gré à gré avec l'entreprise de génie militaire qui est proche et qui exécute déjà les travaux aux environs. Donc cela pourra nous être assez économique. Ce serait une consultation restreinte, mais étant donné que c'est une entreprise de l'État, nous pourrons effectivement faire des économies là-dessus. Et si nous avons toutes ces autorisations, je crois que les travaux peuvent commencer et se terminer. En tout cas, la grande partie qui permette la circulation de reprendre avant la fin de l'année, quitte à ce que d'autres travaux supplémentaires, complémentaires puissent continuer. Quel est le message que vous pouvez adresser aux pratiquants de cette route? Le message, c'est un message d'espoir, parce que nous estimons que si toutes ces opérations, toutes ces décisions là sont prises rapidement, l'année ne se terminera pas avant que cette voie ne soit ouverte. L'ambassadeur Amis Nhangi Bingura, c'est le directeur général de l'urbanisme, et il répondait aux questions de Dorine Ndayirorere. L'Agence internationale de l'énergie atomique va assister le Burundi dans trois volets, dont la santé et l'agriculture. Cela a été dit ce vendredi par Hachimana Isaac, agent national de liaison avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'était dans une conférence de presse tenue ce vendredi. Il a même expliqué que la loi nucléaire est le pilier de la coopération technique entre le gouvernement du Burundi et cette agence. Suivez. Je vous dirais que le Burundi est membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis l'an 2009. Eh bien, la coopération technique entre le gouvernement du Burundi et l'Agence internationale de l'énergie atomique couvre plusieurs domaines. Je vous dirais que l'Agence internationale de l'énergie atomique assiste notre pays sous trois volets. D'abord, sous forme de formation. Il y a des candidats émanant des ministères techniques et qui reçoivent des formations, soit d'une semaine, d'un mois, à la même des masters en radioprotection ou dans des sciences. Dans ces sciences nucléaires, notre volet est lié à des équipements. L'Agence internationale de l'énergie atomique fournit quelquefois des équipements aux institutions techniques qui ont développé et présenté un projet au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et le troisième volet, c'est l'envoi des experts. Ah, la loi nucléaire, c'est le pilier de la coopération technique entre le gouvernement du Burundi et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et en ce qui concerne la mise en place d'un centre de traitement de cancer, l'Agence internationale, d'abord, va nous aider d'abord dans l'étude de faisabilité. Il y a un comité qui a été mis en place au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Ce comité va analyser tous les besoins. Et après, nous allons inviter les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça sera au mois de janvier 2017. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les champs de bananiers, de manioc, de haricots, de maïs et de pommes de terre sur certaines sous-collines de Gisenyi en commune Burambi de la province Rumonge ont été endommagés lors d'une pluie torrentielle mêlée de la grêle tombée dans cette localité. Le soir de ce vendredi, les victimes de ces intempéries demandent une aide en semences et au niveau de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge, l'on promet de soumettre la question aux intervenants dans ce secteur. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Les sous-collines Muhimbuke et Ngoma ont été touchées avec plus de dégâts d'Angoma selon des sources sur place à Gisenyi. Les bananiers sont tombés par terre, les tiges de manioc restent sans feuilles, les jeunes plants de haricots qui poussaient ont été anéantis au moment où le maïs, les patates douces et les pommes de terre dévalées se sont vues ensevelies par endroits. Selon des sources administratives locales, les victimes de ces intempéries climatiques qui avaient eu du mal à se procurer des semences de maïs et de haricots suite aux pertes post-récoltes dues au charançon demandent une assistance urgente en semences. Abel Ndayishimiye, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge, indique que cette direction ne possède aucune semence dans ses stocks à côté de celle de la FAO en cours de distribution à 2000 personnes choisies parmi les victimes des intempéries, les veuves, les rapatriés et les enfants chefs de ménage des communes Muhuta et Rumonge. Abel Ndayishimiye promet tout de même de soumettre le problème aux intervenants habituels dans ce secteur. Entre-temps, il appelle à ceux qui en posséderaient encore parmi les voisins de venir en aide aux sinistrés. Jean-Pierre Misago de Kurumonge, Radio Isanganiro. Quittons le sud du Burundi pour nous rendre en province Bubanza, où certaines personnes sont malmenées ces derniers jours dans cette province par leurs voisins qui les accusent de sorcellerie. Certaines victimes préfèrent même quitter leur domicile pour se protéger. De son côté, le procureur de la République dans cette province met en garde les agresseurs et précise que ce genre d'infraction est prévu dans le code pénal et que les coupables seront punis conformément à la loi Spes Caritas Kabanyana. Deux femmes, l'une du village 5, l'autre du village 3 de la commune Gihanga, que nous avons rencontrées au début de cette semaine devant les bureaux de la police à Gihanga, nous ont confié qu'elles ne savaient plus à quel sens se vouer. Elles sont malmenées depuis quelques jours par leurs voisins qui les battent quelquefois, les empêchent de dormir en jetant des pierres sur leur maison, les accusant de sorcellerie. Ce comportement est par ailleurs souvent signalé par les administrateurs des communes chaque fois dans les réunions de sécurité tenues par le gouverneur. De son côté, le procureur de la République dans cette province de Mwanza met en garde ces gens qui malmènent leurs voisins que ce genre d'accusation est une imputation dommageable prévue dans le code pénal en son article 151. Michel Ndayisaba, procureur de la République à Mwanza, précise également que les gens qui manifestent ce genre de comportement sont souvent opposés par des conflits fonciers ou d'autres mésententes dans leur voisinage. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Place à l'actualité internationale. Après l'ouragan Mathieu, Haïti a besoin d'une aide humanitaire importante et rapide. Dans cette actualité, on parlera des législatives au Maroc ou la fermeture des bureaux de vote alors que le taux de participation était faible jusqu'à 17h de ce vendredi. Et la République démocratique du Congo ne va plus accorder de visa aux Belges détenteurs d'un passeport diplomatique. Cette actualité avec Evrard Havzeliman. La République démocratique du Congo envisage d'exercer des sanctions coercitives contre la Belgique en représailles à la décision de Bruxelles de rescindre la durée de validité des visas accordés aux dirigeants congolais. Comme on le trouve sur France 24, cette mesure annoncée par le vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba, consistera surtout à refuser d'accorder des visas aux Belges détenteurs d'un passeport diplomatique. Et la Belgique justifie cette mesure par la situation politique étendue en RDC avec le rapport en 2018 de l'élection présidentielle congolaise prévue avant la fin de l'année en cours. Législative au Maroc et fermeture de bureaux de vote alors que le taux de participation est faible jusqu'à 17h de ce vendredi. Les résultats provisoires publiés par les autorités marocaines montrent que peu de lecteurs s'étaient déplacés à 17h, des heures avant la fermeture des bureaux de vote. Mohamed Leroy de Maroc a rassuré, je cite, « Ce scrutin sera libre et honnête, je peux le jurer », fin de citation. Les bureaux de vote ont fermé à 19h heure locale, comme on le lit sur BBC Afrique. Le ministère de l'Intérieur marocain a publié une deuxième estimation du taux de participation au scrutin législatif de ce vendredi 7 octobre. Le communiqué du ministère qui donne la situation jusqu'à 17h n'a pas livré le taux de participation nationale et s'est contenté de donner les estimations par région, a-t-il ajouté notre confrère de la BBC. Mais il faudra attendre le taux de participation final pour en juger. Après l'ouragan Mathieu, Haïti a besoin d'une aide humanitaire importante et rapide. Les autorités haïtiennes ont fait ce qu'elles ont pu avec des moyens très limités à l'appui de la mission des Nations Unies. Selon BBC, souvent dans ces circonstances, les habitants des zones exposées ne veulent pas abandonner leur maison par crainte de pillage. Merci à Evrard Havzeliman pour cette actualité internationale. Ainsi se referme ce journal, mais je vous en rappelle les titres. La correspondante de la Radio Voix d'Amérique au sud du Burundi en la personne de Fidélité Ishatsa a été arrêtée ce vendredi par la police à Lutana puis a été relâchée. Cependant, elle s'inquiète pour Norbert Manirambona, sa personne ressource qui lui est restée au cachot. Après l'annonce du premier vice-président de la République que le Burundi va se retirer de la Cour pénale internationale, l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye, indique que les conséquences ne manqueront pas pour le pays et demande au gouvernement burundais de ne pas se retirer. Et quant au président du parti FNL, il fait savoir que personne ne devrait avoir peur du fait que le Burundi quitte cette cour Dans ce journal, vous avez suivi Bigirimana, président de ce parti. Et les travaux de réhabilitation du pont de la rivière Mimba dans la zone Moussaga pourront commencer avant la fin de cette année. L'annonce est du directeur général de l'urbanisme après 8 mois que ce pont est impraticable. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à François Akimana qui m'a aidé de l'autre côté de la cabine technique. Tout de suite après ce journal, Didier Nyonzima me rejoint au studio pour vous présenter la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. La résolution du complot, titre le journal Iwachu. Le gouvernement burundais accuse le texte des Nations Unies d'avoir été dicté par l'Union européenne pour déstabiliser le Burundi. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté le 30 septembre dernier à Genève une résolution sur le Burundi mettant en place une commission indépendante d'enquête qui devra déterminer dans un délai d'une année les auteurs des violations des droits de l'homme au Burundi et proposer des sanctions à leur endroit. Bujumbura n'a pas tardé à réagir sur cette résolution. Ici, l'hebdomadaire revient sur le communiqué du porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Ce texte a été préparé, proposé et approuvé par l'Union européenne qui s'est approprié les conclusions du rapport produit le 9 septembre. Le rapport a été, selon Zobonariba, cité par Iwachu, commandité et produit dans le but de préparer la voie à cette résolution et pour déstabiliser la nation burundaise. L'agence en ligne Net Press revient sur l'annonce du gouvernement burundais que le pays compte se retirer de la Cour pénale internationale. Un conseil des ministres qui s'est tenu jeudi dans la province de Gitega a manifesté son intention de voir le Burundi se retirer de la Cour pénale internationale. Il se retirera du statut de Rome qui est à l'origine de la création de la Cour pénale internationale. Le premier vice-président de la République a indiqué que le projet de loi est déjà sur la table de l'Assemblée nationale. Pour lui, la Cour pénale internationale est injuste envers les Noirs, ce qui devrait pousser les autres pays africains à emboîter le pas au Burundi pour plus d'indépendance. L'opposition estime, selon l'agence, que c'est une façon pour le gouvernement de protéger les officiels qui ont commis des crimes envers les populations. Le journal Iwachu revient pour se demander s'il y a eu un putsch étouffé dans l'œuf. Il lui est difficile de savoir si réellement il existe des indices suffisants de culpabilité contre les militaires et policiers actuellement en détention préventive à la prison d'Ngozi pour tentative de putsch. Ce n'est que le 30 septembre, lors de la conférence trimestrielle des porte-parole du gouvernement, que le porte-parole de la police révélera qu'ils sont au total 8 policiers et 15 militaires, des sous-officiers et des hommes de troupes. 18 suspects seront écroués à la prison d'Ngozi depuis le 22 septembre sur mandat du parquet de la République de Mukaza en mairie de Bujumbura. 3 infractions sont retenues contre eux, à savoir l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, participation aux bandes armées et la détention illégale d'armes. Faire connaître et apprécier les produits fabriqués au Burundi, titre le magazine Burundi Echo. Alors qu'on avait l'habitude de visiter une foire exposition des produits en provenance de la communauté est-africaine ou d'Égypte au Palais des Arts de Bujumbura, il y avait, du 4 au 7 octobre, ces provenant des entreprises créées, certifiées et exportatrices. Une nouveauté dans le business, selon notre confrère. Parmi ces produits figure SMS for Change, qui a été lancé par le même journal Burundi Echo. C'est une nouveauté dans les technologies de l'information et de la communication pour informer et communiquer via le téléphone mobile. L'hebdomadaire a introduit ce produit dans l'objectif de redynamiser le service communication et marketing en mettant en place une plateforme qui répond aux attentes des consommateurs. Le journal La Voix de l'enseignant revient sur la journée mondiale de l'enseignement qui n'est pas aussi mondiale qu'on le pense. Simplement car l'enseignant burundais, à l'instar des années passées, a vécu cette journée dans l'amorosité. Le processus de redéploiement est venu pour aggraver les choses, selon encore le journal. La Voix de l'enseignant soutient que la commémoration de cette journée est arrivée dans un moment inapproprié. en cause le fameux redéploiement qui est venu déstabiliser les familles, disloquer les couples. De plus, l'enseignant vit et travaille dans des conditions déplorables. Notre confrère écrit également sur les contraintes des parents qui doivent épauler le gouvernement. Malgré l'appel lancé aux responsables des établissements scolaires par la ministre de l'Éducation de ne plus demander aux parents de payer des frais pour l'achat des bancs, des craies, etc., certaines écoles de la mairie ne sont pas prêtes à se soumettre. Le paiement des frais de construction de nouvelles salles de classe, des clôtures, l'achat des manuels scolaires des élèves, les frais d'inscription des enfants, de la gardienne, continue. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Mireille Kanyange et Didier Nyonzima. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.